N'importe quelle heure, rien à foutre, j'ai pas de patron, j'prends mon pif dans la street. Quelques fois en studio, en baroude avec les potos, rien qu'on rôde. Oui, c'est vrai que j'ai la tête grillée. Tu peux me croiser de l'hôtel gauche jusqu'à ton cœur. Pas trop le temps pour les fumeux. Laisse ton number si tu veux, j't'appelle si tu veux. T'aimerais que les hondis soient vrais, donc tu ricanes. J'ai la fierté et la souffrance de Carter Hurricane. Surprenant comme si je canais, je ramène le nouveau flow. Dans le rap j'ai trop petit, j'ai baisé la mer à trop de monde. J'suis dans le son, j'innove par le milieu critiqué. Ils ont le seum, quand les gens disent son, j'aime trop ce qu'il fait. J'ai les couilles de faire avancer les choses, moi imprévisible sur le ring comme de la Oya. Oya faux et faya dans mes prunelles. Dieu qui pleure sur un vécu qui manque de saveur et qui cherche de l'oseille. J'suis pas commercial, j'ai les couilles d'oser. Les autres leur font moyen-âge, je me font gerber. La honte, leur rap s'est fait douiller. Quel travail fatal bazooka, négro, Camini l'a rapillé. Un nouveau soleil brille sur ton horizon. Je connais des chats qui chassent de négro comme la peau de bison. Je me lève à n'importe quelle heure, rien à foutre, j'ai pas de patron, je prends mon pif dans la street. Quelques fois en studio, en baroude avec les potos, rien qu'on rôde. Oui c'est vrai que j'ai la tête grillée. Tu peux me croiser de l'hôtel gauche jusqu'à ton cœur. Pas trop le temps pour les fumeux. Laisse ton number si tu veux, je t'appelle si tu veux. J'ai dû mettre sur le côté en feu de détresse à vous attendre. Seul dans ma formule 1, on dit que j'ai trop d'avance. Insulte pas mon son, ou du moins critique pas. Quoi, y'a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas. J'ai dû mettre sur le côté en feu de détresse à vous attendre. Seul dans ma formule 1, on dit que j'ai trop d'avance. Insulte pas mon son, ou du moins critique pas. Quoi, y'a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas. Mon rap c'est un gros, dans le cul des puristes. Pour l'inspire, j'ai mis le calibre dans la main gauche à Shakespeare, hein. En mode Tupac, arrosé à la NSI. Être noir en France, c'est comme grandir dans le Tennessee. On veut le garcier, le fauteuil, la place du trompe-pas. J'arrive sur terre à poil, j'éteins sa vie en prata. Lunettes noires, toujours impeccable. Pur comme la TK, qui ravage nos favelas. Certains disent, oh, taille au bled de Vela. Parce que j'ai pas fait le roro, tu crois que je vais chez là. L'archétal, moi j'ai le mort, demande à Nasser. Si j'ai fané, c'est la saison des blessures sur Robert. Et depuis que je suis dans la mode, on dit que j'ai trop de style quand je réponds souvent que l'armoire est trop petite pour tous mes vêtements. Moi je dis le rap français a pété le câble. Rof et Gabin, arrêtez le massacre, ça m'ennuie grave. Je me lève à n'importe quelle heure, rien à foutre, j'ai pas de patron, je prends mon pif dans la street. Quelques fois en studio, en baroude avec les potos, rien qu'on rôde. Oui c'est vrai que j'ai la tête grillée. Tu peux me croiser de l'hôtel gauche jusqu'à ton cœur. Pas trop le temps pour les fumeux. Laisse ton number si tu veux, je t'appelle si tu veux. On s'ennuie grave. Oui, oui. J'ennuie grave. Nous et la XPLO, Zif, clic. On s'ennuie grave.